Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'insurrection de Pâques à Dublin en 1916. Les derniers combats ont cessé au bout de 5 jours. Il y a eu en tout environ 500 victimes et en majorité des civils lorsque les Anglais ont bombardé le centre de Dublin qui était aux mains des insurgés. L'insurrection de Pâques, qu'on appelle aussi Pâques sanglante, reste aujourd'hui encore bien présente dans la mémoire des Irlandais. Ce soulèvement de nationalistes irlandais durera quelques jours à la fin d'avril 1916 et sera durement réprimé par les forces britanniques. L'insurrection survient dans un contexte bien particulier, au beau milieu de la Première Guerre mondiale. Le soulèvement représente d'abord un échec cuisant pour les nationalistes irlandais, mais son souvenir reste encore bien vif, car on estime aujourd'hui qu'il prépare d'une certaine manière l'indépendance de la République d'Irlande qui va suivre quelques années plus tard. We declare the right of the people of Ireland to the ownership of Ireland and to the unfettered control of Irish destinies to be sovereign and indefeasible. The long usurpation of that right by foreign people and government has not extinguished the right. Nor can it ever be extinguished. Except by the destruction of the Irish people. Quelques descendants de signataires de la Déclaration d'indépendance de l'Irlande qui lisent en 2016 le texte signé par leurs ancêtres 100 ans plus tôt et lu publiquement lors de cette insurrection de Pâques à Dublin le 24 avril 1916. Pour nous raconter cette importante page d'histoire de l'Irlande, mon invité James Jackson, professeur d'histoire et de littérature au Trinity College de Dublin pendant 25 ans. James Jackson, bonjour. Bonjour. Monsieur Jackson, pourquoi cet événement-là? On y reviendra tout au cours de l'émission, mais déjà en un mot, pourquoi cette insurrection de Pâques en 1916 est aussi importante et de quelle manière elle est importante dans l'histoire d'Irlande? Même si l'insurrection a été un échec en avril 1916, c'était peu de temps après l'échec, la défaite de ces insurgés sont devenus en fait le symbole du renouveau de l'indépendance de l'Irlande. Chaque pays, quand il y a un grand événement, que ce soit en France, la Révolution française, pour les Américains, leur guerre d'indépendance, alors pour l'Irlande, c'était la première étape. C'était le premier pas. Le premier pas vers l'indépendance. Un échec, mais étant donné la brutalité de la réponse des autorités militaires exécutant les 7 signataires de la proclamation, exécutant aussi 9 autres personnes, 16 personnes en tout, ça a changé. C'était un retournement dans l'opinion publique chez les Irlandais. Ouais. Il y avait des relents de religion aussi. Ils sont devenus presque des martyrs, comme les martyrs du passé. Mmh. Alors, pour l'Irlande, il faut toujours un événement traumatique, si vous voulez, qui donne l'essor qui mène vers. Alors, pour les historiens, c'est évident que après la réaction de la population, qui mène directement à la victoire de Sinn Féin en 1918, et après la guerre d'indépendance, suivie d'une guerre civile. Mais en fait, le premier pas, cet événement crucial, c'était le 24 avril 1916. Qui sera comme un grand révélateur, puis on y reviendra, mais qui conduira donc à cette indépendance quelques années plus tard. Un peu de contexte pour mieux comprendre ce qui nous mènera à cette insurrection de 1916. On pourrait reculer de 300 ans, on n'aura pas le temps, James Jackson, mais situons ça autour de 1801, l'acte d'union. De quelle manière c'est important et ça prépare ce qui suivra, de quelle manière cet acte d'union va nous mener petit à petit à l'insurrection de 1916. Oui. En 1801, l'acte d'union, l'Angleterre dit aux Irlandais, c'est fini votre parlement à Dublin. À partir d'aujourd'hui, du 1er janvier 1801, vous venez, vous allez envoyer vos députés à Londres. C'est Westminster qui va s'occuper de vous. Mmh. Donc, on peut dire que pendant tout le 19e siècle et au-delà, il y avait un seul désir chez les nationalistes, c'est de regagner leur indépendance. Donc, il y avait 2 factions. Ou bien c'était une indépendance totale, ou bien une certaine autonomie, autodétermination, si vous voulez, en Irlande. Donc, on peut retracer toute l'histoire du 19e siècle. Ça. Il y a eu des soulèvements, il y a des problèmes, il y a une tentative de la part du gouvernement britannique de trouver une solution. Donc, la réforme agraire, c'était une des solutions, croyant que si on donnait une réforme agraire aux Irlandais, hein, ça se serait... Ça les calmerait. Voilà. Ouais. Alors, le problème, l'Irlande, à l'époque, est composée de 4 provinces. Les 3 provinces dans le sud, majoritairement catholiques, mais à l'agriculture. Il y a une seule province, c'est le nord-est, l'Ulster, où il y a une majorité de protestants. Belfast, la capitale, la ville principale, industrialisée, plus prospère que le reste de l'Irlande. On a toujours cette division en Irlande. Hein, même aujourd'hui, les gens d'Ulster ne sont pas comme nous. Donc c'était toujours ça. Alors, si on va vers une autonomie, parce qu'il y a eu un parti qui a été créé exprès pour avoir cette autonomie, tout le monde voulait cette autonomie. Les 3 provinces, ouais. Leinster, Munster, Connacht, mais pas l'Ulster. Les protestants voulaient la division pendant tout le 19e siècle. Donc, si on va... Donc, je passe rapidement sur la famine. Donc, il y a eu des grands événements. Mais qui n'aident pas. Le contexte de famine, évidemment, crée encore plus d'insatisfaction. Ah ben, oui, et il y a beaucoup d'Irlandais qui s'en vont, qui émigrent aux États-Unis. Et là, c'était après la grande famine qu'on a créé des Irish Brotherhood. Ouais. Hein, c'est des milices. C'est une milice, oui, composée d'Irlandais qui étaient aux États-Unis et aussi en Irlande. Et c'était the Brotherhood, cette fraternité républicaine irlandaise qui sera moteur de l'insurrection. C'était le but de ce mouvement, de créer, de trouver l'indépendance. Et parallèlement, parce qu'il y a effectivement la formation donc de ces milices, de ces groupes militaires qui veulent l'indépendance, les républicains, parallèlement, il y a la voie modérée, du compromis, je sais pas comment l'appeler, qui finira par déboucher, après quelques essais, là, sur ce qu'on appelle le « home rule ». C'est-à-dire, il y a 4 fois « home rule ». Home rule, c'était l'autonomie légale, mais dans le cadre du Royaume-Uni. Ouais. Parce qu'à partir de 1801, on avait la Grande-Bretagne, on avait l'Irlande. On invente un nouveau titre, le titre qui existe aujourd'hui, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Maintenant, c'est juste de l'Irlande du Nord. Donc, on a ce concept. Deux royaumes, si vous voulez. Alors, à partir de ce moment-là, le gouvernement, vers la fin, c'était le Parti libéral, le Premier ministre Gladstone. Une première tentative, Home Rule, refusée par la Chambre des communes. C'était en 1885. Quelques années plus tard, encore une fois, ça passe, voté par la Chambre des communes, Home Rule, l'autonomie interne, pour l'Irlande, oui. Mais refusé par la Chambre des Lords. Oui. Donc ça, c'était vraiment un mur. Les deux chambres, Chambre des communes et Chambre des... sont à égalité. En 1911, le gouvernement britannique arrive à faire une réforme constitutionnelle. On enlève ce veto de la Chambre des Lords pour empêcher une loi votée par la Chambre des communes. Alors, dans l'Ulster, dans la province, on savait que la loi allait être votée. Le seul pouvoir que la Chambre des Lords garde, c'est le pouvoir de retarder la mise en vigueur de cette loi de 2 ans. Donc c'est en 1911, la réforme constitutionnelle, oui. 1912. Adoption en fait, avec un délai de 2 ans. Ouais. Et 2 ans plus tard, ça nous mène... 2 ans, c'est 14. En fait, le roi donne son accord. Il signe, sauf que c'était en septembre 1914, et c'est déjà la Première Guerre. Et ça va tout changer sur ce contexte bien particulier, cette Première Guerre mondiale qui fige tout le processus. Je vous propose d'écouter l'extrait suivant. On va entendre d'abord Liam O'Brien, qui est jeune combattant nationaliste en 1916 à l'émission Caméra 66, suivi tout de suite après de l'historien, celui qu'on entendait au tout début de l'émission par ailleurs, Jean Guiffant, à l'émission L'Histoire aujourd'hui en 1995. Alors, les chefs de l'Irlande à l'époque ont appelé le pays, ont appelé les Irlandais quand même à marcher avec l'Angleterre, à se combattre d'abord les Allemands. Et la majorité, il faut dire la grande majorité du pays, a écouté cet appel et ils ont marché, n'est-ce pas, sont des milliers et plus d'Irlandais sont allés à la guerre, à la Grande Guerre. Seulement une poignée de ce qu'on appelait des extrémistes, d'ultranationalistes dont j'étais, se sont dit à l'époque, l'Allemagne n'a jamais été notre ennemi. Notre ennemi, nous connaissons ce que c'était, c'était toujours l'Angleterre. Il y avait une grande tradition de mauvais gouvernement, de persécution depuis des siècles, et voilà. Une minorité qui ont refusé de s'enrôler dans l'armée britannique, et ça a conduit de pas en pas jusqu'à cette insurrection de 1916. Ils étaient quand même très peu nombreux, divisés, et face d'une part aux milices protestantes qui, on l'a vu, étaient restées soudées, organisées, encadrées par la Grande-Bretagne, et face à l'armée britannique, les forces des nationalistes étaient quand même très réduites. D'autant plus que tous les nationalistes irlandais n'étaient pas favorables à ce soulèvement. Ils avaient quand même l'impression que c'était un peu un coup de poignard dans le dos à la Grande-Bretagne, hein, et que... objectivement, il faisait quand même le jeu de l'Allemagne, même s'il disait qu'il ne combattait pas pour le Kaiser. Ce qui fait qu'il y avait une division dans les rangs des nationalistes. Tous les nationalistes n'étaient pas partisans d'un soulèvement pendant la guerre, même s'ils maintenaient leurs revendications. Intéressant ce qu'on vient d'entendre, James Jackson. Tout à fait. C'est complexe, il y a de la division au sein même des nationalistes. Pourquoi d'abord cette insurrection en 1916, dans ce contexte, en pleine guerre mondiale? Parce que depuis toujours, depuis le 19e siècle, il y avait l'adage « England's difficulties are Ireland's opportunities », c'est-à-dire les difficultés de l'Angleterre sont des occasions à saisir pour l'Irlande. Alors, s'il y a un problème, c'est pourquoi on a fait cet appel à l'Allemagne, hein, pour fournir déjà les volontaires protestants de l'Ulster qui voulaient combattre contre cette loi de Home Rule. Les protestants étaient... armés, les volontaires, en fait, après l'éclatement de la guerre, sont devenus la 36e division de l'armée britannique. Mais les volontaires catholiques, hein, fondés par John Redmond, en Irlande, n'étaient pas armés. Donc, les volontaires, la plupart de ces volontaires irlandais, John Redmond a dit, si on va... combattre contre les Allemands, ça va prouver notre bonne foi. Parce qu'après la guerre, on croyait que la guerre allait durer quelques mois, un an au plus. Donc la plupart de ces volontaires catholiques sont partis, avec intégrés dans l'armée britannique, mais une petite partie de ces volontaires est restée en Irlande. Et c'est dit. Ils se sont dit, voilà... ces difficultés, c'est maintenant c'est l'occasion à saisir. Ils auraient pu le faire en 1914, mais ils étaient mal organisés. Même quand on voit les personnes, les trois organisations, la fraternité irlandaise, l'armée citoyenne de James Connolly et un autre petit groupe, il y avait des poètes, des dramaturges. Et James Connolly, lui, c'était un marxiste. Donc, il parlait... pas le même langage. Donc c'était mal organisé, même un diplomate britannique est allé chercher des armes en Allemagne. Malheureusement pour les Irlandais, le bateau a été arraisonné et puis sabordé par l'équipage. Donc il n'était pas armé. Un des chefs de file de l'organisation a dit, ben voilà, il faut annuler le soulèvement. Un autre a dit, non, on va faire pas le dimanche, ça c'était le jour prévu, mais lundi de Pâques. Donc c'était mal organisé, et c'est pourquoi Pierce, hein, il arrive devant la poste sur Sackville Street, et il lit la déclaration, s'attendant à l'explosion de joie des badauds qui passaient dans la rue. Mais ce n'est pas ça qui va se passer ce lundi 24 avril 1916. Voici, de fait, comment ça va se passer. C'est le lundi de Pâques, au matin, Patrick Pearse, James Connolly, sa petite armée de citoyens et quelques nationalistes, se sont emparés de l'hôtel des postes. Et là, Patrick Pearse, le poète, a lu à une foule surprise... la déclaration d'indépendance de la République d'Irlande, qui a été d'ailleurs plus ou moins bien accueilli. Il y a eu l'effet de surprise, et puis d'autres n'ont pas compris, et d'autres ont estimé que ce n'était pas le moment. Une foule indifférente, voire hostile. Et il n'y a finalement pas eu de soulèvement de population. On a signalé quelques pillages de magasins. Mais on peut dire que la population n'a pas suivi ni à Dublin, ni dans la campagne, d'autant plus qu'il y a eu les contre-ordres qui avaient été donnés par certains chefs du soulèvement. Et dès le départ, l'affaire était très mal engagée. Donc, c'est un groupe qui décide de prendre d'abord le bureau de poste, de se saisir du bureau de poste, lecture de cette proclamation, donc, d'indépendance d'Irlande, avec la réaction qu'on vient d'entendre. Réaction hostile, nous dit cet historien. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ah, pourquoi? Parce que, surtout chez les femmes, dont les maris étaient déjà en Allemagne, hein, qui subissaient des pertes lourdes. En plus, ces femmes croyaient qu'elles allaient perdre l'allocation qu'on donnait aux femmes dont le mari était à l'armée. En plus, les nationalistes en faveur de Home Rule disaient mais vous mettez en danger, nous, il suffit d'avoir un peu de patience parce que l'Angleterre nous a promis, après les hostilités, on va avoir notre autonomie, notre Home Rule. Donc, c'est pour ces différentes. Ouais. Et en plus, il y a eu des morts, 500 personnes, et tout le centre-ville de Dublin. Détruit par l'artillerie lourde des Britanniques. Donc, pour toutes ces raisons, les gens, en fait, certains de ces insurgés disaient, là, on risquait d'être lynchés quand on nous a arrêtés. Après, les gens, vous devriez être en Flandre. Donc, c'était des insultes. On conspuait ces gens-là. Mais ça, c'était l'échec, les débuts. Ouais. Ça va changer. Ça va changer parce que, entre autres, vous l'avez évoqué, mais la réaction britannique sera très, très musclée parce que ils vont donner la charge, ils vont bombarder, donc, les troupes nationalistes. Et les Irlandais, les leaders nationalistes devront se rendre. Ça aura un impact, cette réaction des Britanniques, mais juste pour voir comment ça se passe, à nouveau, Liam O'Brien, ce jeune combattant nationaliste, qui nous raconte, donc, en 1916, qui nous décrit comment ça se passe quand l'armée donne la charge. Nous nous attendions à l'attaque à la baïonnette, n'est-ce pas, qui devait venir. Eh bien, au lieu de cela, n'est-ce pas, les forces anglaises, ils ont pénétré jusqu'au centre de la ville, et puis on commence à faire le tour de la ville, du côté nord. Nous étions du côté sud. Alors, puis ils ont bombardé le grand bureau de poste qui était notre grand quartier général. Ils ont incendié cet édifice-là et nos chefs se sont rendus. La chose était finie, n'est-ce pas? Le lendemain, nous avons reçu cet ordre et nous nous sommes rendus. Et on nous a marché jusqu'aux casernes militaires dans les villes. Là, nos chefs ont été fusillés. 14, 15, un autre a été pendu. Nous sommes allés dans les prisons anglaises, dans la prison de Wandsworth, dans mon cas, à Londres, et puis dans un camp d'internement en Pays de Galles, au nord du Pays de Galles. Alors, James Jackson, la fermeté de la réponse britannique va tout changer parce que, on l'a vu il y a un instant, au départ, ces leaders nationalistes, la population ne suit pas ce mouvement d'insurrection, mais ce que l'on va voir va choquer. Cette réponse, ces leaders qui seront assassinés, ces 500 morts à peu près, ça va tout changer. Ça va tout changer, mais aussi, il y a une sorte de fierté qui finit par s'installer dans la population. Ils disent, mais quand même si on n'est pas d'accord avec ces garçons, parce qu'il y en avait qui étaient assez jeunes, on les admirait. Et c'était, en fait, on comprend les réactions de l'armée. En fait. Ouais. Après, je crois que le gouvernement britannique a dit, mais ça c'est une erreur, il ne fallait pas laisser entre les mains de l'armée. Mais pour l'armée, c'était la réaction. On sait ce qui s'est passé ici au Québec après les deux soulèvements. On a pendu les chefs de file. Alors, 1837-38. C'est ça, 37-38. Mais pour l'armée, c'était juste 16 personnes. Il y avait à peu près 1300 personnes arrêtées, mises en prison, internées, mais libérées quelques mois plus tard. Donc, est-ce que c'était trop brutal, comme disent certains? De toute façon, même l'Église a changé. L'Église était contre au début, et peu à peu, hein, c'est-à-dire, l'Angleterre aurait pu agir autrement. Mm-hmm. Mais c'était l'armée qui a pris le contrôle, c'était la loi martiale, ce qui fait que... Mais quand on pense que l'armée britannique avait tué combien de militaires, parce que pour couardise, parce qu'ils étaient... Maintenant, on les comprend mieux, hein, le traumatisme de la guerre. Donc, dans l'esprit de l'armée, c'était, il fallait donner l'exemple, donc il fallait les tuer. Donc, il y avait beaucoup plus de soldats britanniques tués par l'armée britannique en France pendant la Première Guerre mondiale qu'en Irlande. Oui. Mais ça aura pour les Irlandais, ce sera vraiment le début, cette réaction très forte du régime britannique, ce sera ce qui va paver la voie à l'indépendance qui arrivera quelques années plus tard. Ah, tout à fait, oui. C'est un déclencheur. Un déclencheur, parce que 2 ans après, le Sinn Féin lance le parti, c'est un petit parti, même marginal, qui n'était pas responsable de l'insurrection, mais qui a bénéficié, hein, c'était pratiquement la victoire de Sinn Féin, ce qui fait que Sinn Féin s'est raz-de-marée 2 ans plus tard, et ça mène donc à la guerre d'indépendance, et à l'indépendance, et à la quatrième fois le Home Rule, hein, qui donne. Et ça, c'est le côté un peu surprenant. On ne fête pas l'insurrection, on commémore cette insurrection, mais qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la partition de l'île. Si on n'avait pas fait l'insurrection, si le Home Rule a été accordé, même si le gouvernement britannique avait pu convaincre les protestants de l'Ulster, est-ce que toute l'Irlande aurait reçu en fait son indépendance? Mais c'était le résultat, c'était la partition. Oui. Et c'était le 4e loi Home Rule en 1920, qui donne la partition, en fait, non pas les 9 comtés de l'Ulster, mais juste les 6 comtés où les protestants étaient majoritaires. Donc, les protestants restent majoritaires. Ce qui s'est passé en 1916 et après, en 1920-21, ça donne, en fait, le début de tous les troubles qu'on a eus entre l'Angleterre et l'Irlande pendant le 20e siècle. James Jackson, philosophe, historien, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.